monnaie, trop de bitch. Trop de monnaie, trop de pute et trop de problèmes aussi. Trop de monnaie, c'est trop de faux pas. Qu'attendre un faux pas pour te faucher. Ton bras droit devient gaucher. Trop de monnaie dans le porte-monnaie, c'est trop de guns braqués sous ton nez. Trop de calibre sur ta livre. Eh bourgeois, tu connais quoi, toi? À notre vie, à notre arco, à notre pas, toi. On évolue loin des bavetards et des afters. Baisse les bâtards et les capteurs. Quand tu touches le SMIC Renoir, tu veux braquer le SMI remorque. Faire de la maille de spi en sorte. Poser ta Smirnoff, la rue m'inspire. Que des images cloquent la misère du globe. Ma bonne volonté est morte. Je l'ai enterré depuis que les flics ont brisé mes côtes. Depuis qu'il n'y a plus de cadeaux sous la hotte. Mais laissez-nous respirer, y'a Oussama dans une grotte. Et je rêve de toucher le jackpot. Encore un rêve de sale gosse, l'argent est un sale. Les hommes se ruent sur l'argent. Même s'il faut laisser des plumes. Même peut-être un peu plus, peu importe. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Les hommes se ruent sur l'argent. Même s'il faut laisser des plumes. Même peut-être un peu plus, peu importe. Peu importe. Peu importe. Je veux pas mourir dans la misère. On m'a dit que l'argent fait pas le bonheur. Complètement faux, faut être fou pour vivre d'amour, d'eau fraîche, de fesses, de sexe, de skeg. C'est seulement dans les sketchs, arrête. Laisse les bouches leur paraître. Laisser des plumes ou du sang sur le bitume. L'argent a ses raisons et ses coutumes. Que seule la récompense sous toutes les coutures. Habitué aux coups durs, aux bavures, aux gardes à vue, garde à vous. Quand la passion monétaire prend le pas sur la raison, c'est le branle-bas de combat. Hollywood n'a pas inventé Boys in the Hood. L'argent met la poudre au feu, jette la poudre aux yeux. L'argent fait ressortir ta nature, ton être véritable. Omar m'a tué, peut-être pour l'héritage. Monnaie et violence deviennent inévitables. Ma richesse c'est ma musique inépuisable. Trop de monnaie, trop de bitch. Trop de monnaie, trop de pute et trop de string aussi. Pas de monnaie, t'as trop de problèmes. Trop de peine, trop de haine, trop de misère. T'es même pas mignon, t'es minable, t'es petit, t'es rien. T'es invisible, tu peux crever comme un chien mon frère, personne va se retourner. L'argent fait-il le bonheur, je n'en sais rien. Mais je sais qu'il y contribue fortement. Il achète tout, même les femmes et les hommes. L'argent forge le respect. Money, money, money, fait tourner les billets. Les business et les bitches et les jambes chromées. Les hommes se ruent sur l'argent, même s'il faut laisser des plumes. Même peut-être un peu plus, peu importe. Peu importe, peu importe, peu importe. Les hommes se ruent sur l'argent, même s'il faut laisser des plumes. Même peut-être un peu plus, peu importe. Peu importe, peu importe. Je veux pas mourir dans la misère. Que je l'ai pompé. L'avance. Pour enfant. Toute la misère du monde s'est abattue. Plus d'usine, plus de travail. Rien que des ruines et des chômeurs.